Québec, salut, c'est Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau. Et Stéphanie Paradis. Puis on anime Assemblage requis. Depuis quand j'anime Assemblage requis, moi? Je comprends absolument rien à ce que vous dites. Pendant les fêtes, on n'est pas là, genre présent, mais on est là pareil à radio tous les matins, presque. Sauf quand on dort. On n'avait pas congé pendant les fêtes, nous autres. D'ailleurs, vous êtes qui, vous? Mathieu Plante. Et Stéphanie Paradis. Fait que, on va être là, en direct, en personne, toi et moi, puis l'autre, à partir de 6h30, le lundi 6 janvier. On dirait à partir de 7h30. Joyeuse fête! Ben trop catane, ça.